Je naviguais dans le ciel, ma souffrance fut éternelle, n'ayant peur que du soleil, le noir fut ma dentelle. J'ai froid dans ma vie en sursis, tout me semble si indécis. Tandis que je plongeais dans ce